Le requin a été créé pour empêcher l'homme de retourner dans les océans. La couche d'ozone se détruit lentement pour permettre à l'énergie fondamentale de traverser plus librement en la mettant moins filtrée. Moïse a rendu monothéistes les grandes religions de façon à accentuer les guerres entre les dieux qui à l'époque opposaient les tribus contre les tribus et en faisant de ces dieux un dieu. Il y a eu plusieurs Moïse. Cela permettait à des peuples entiers de se battre dans des guerres saintes les uns contre les autres. Adolf Hitler a été sorti de prison exclusivement pour devenir le maître du Troisième Reich. Le comte de Saint-Germain a inventé le maquillage pour permettre à la femme de densifier encore plus et de nourrir le monde de la mort, de façon à préserver l'intégrité évolutive de l'homme, des hiérarchies cosmiques qui sont à sa recherche dans l'univers. Napoléon a été investi en forme de royauté parce que la France n'avait pas à l'époque de personnage royal suffisamment puissant pour conquérir une partie du monde. Et il était nécessaire au niveau de l'égrégore planétaire, et il est toujours nécessaire que chaque pays arrive un jour à une apothéose avant de s'éteindre lentement dans une forme d'apocalypse douce. Genre. Il y a eu les dinosaures. Les dinosaures avaient une fonction. Les plantes de l'époque avaient une fonction. Le plancton d'aujourd'hui a une fonction. Les gaz inertes de la planète Terre ont une fonction. Chaque élément a une fonction. Et il y a énormément de choses dans ce contexte évolutif qui paraissent limitées dans le temps et dans l'espace, qui paraissent limitées en conscience, qui paraissent petites, et qui finalement sont les supports massifs d'une grande évolution. Pour comprendre la mécanicité de l'évolution, pour comprendre l'intelligence de l'évolution, comprendre les facettes que j'ai énumérées au début, l'homme doit savoir qu'il y a un plan. Et que ce plan n'est pas le plan. Mais qu'à l'intérieur du plan, il y a un autre plan. Et que bien souvent à l'intérieur de l'autre plan, il y a beaucoup d'autres plans. Cela amène l'humain à vivre une complexité cérébrale qui normalement est refusée par l'ego, entraînant chez l'homme l'impossibilité de comprendre les mécanismes écologiques qui gèrent son évolution. En 1962, en octobre, 15 octobre, un avion U-2 survole Cuba. Prend des photos. Et les Américains sont maintenant au courant que les Soviétiques sont en train de construire des bases de missiles à Cuba. président qui est venu ici, après beaucoup de parlementation avec ses proches, d'établir une quarantaine autour de Cuba. Les militaires voulaient bombarder l'île et risquer une troisième guerre mondiale. Et John Kennedy ne le voulait pas. Il place la ligne à 800 milles des côtes de Cuba, interdisant tout navire soviétique d'aborder Cuba. Les navires soviétiques s'avancent, des navires marchands, escortés par des sous-marins. Et lorsqu'ils sont proches de la ligne, John Kennedy se rend compte que Khrushchev veut passer. Et ou bien les Américains les laissent passer, avoue-moi aux Russes et à tout le monde que les Américains sont un tigre en papier. Ou bien les Américains interdisent le passage et entrent dans une troisième guerre nucléaire, une guerre mondiale nucléaire. La manipulation force des Soviétiques, apparemment, à se foutre de cette guerre. Depuis des mois, ils disent aux Américains que jamais ils ne mettront d'armes offensives à Cuba. Et pendant ce temps, ils sont à bâtir 46 bases de lancement pour des fusées à moyenne portée à tête nucléaire. Ces fusées peuvent atteindre tout le sud-est du Canada, la majorité des États-Unis et jusqu'au canal de Panama, d'Amérique centrale. Alors, un personnage dit oui, mais moi, me faire tuer par un missile de Cuba ou un missile de Moscou, c'est ça les plans dans les plans. Un être humain regarde le gars et lui dit oui. Quand il part de Moscou, on a 5 minutes pour réagir. Quand il part de Cuba, on a 30 secondes pour réagir. Il y a donc une différence majeure. Bien souvent, l'humain ne voit pas les petites nuances qui changent tout. Parce que son mental n'est pas habitué à raisonner logiquement les choses. Les bateaux approchent de la ligne. Que doit faire un président qui a entre ses mains 220 millions d'individus et l'une des puissances de frappe les plus grandes sur la planète? Les Alliés viennent d'être avertis. Et évidemment, les Alliés sont convaincus qu'il n'y a aucun missile à Cuba. L'Angleterre demande aux Américains de retirer ce bloc-up parce que c'est une déclaration de guerre évidente contre l'URSS. La France, avec le général de Gaulle, ne comprend rien non plus la situation. Tous les pays sont contre, sauf un, le Canada. Les avions militaires, les bombardiers aux bases canadiennes, à Saint-Hubert par exemple, tournent. Les moteurs tournent 24 heures sur 24. Tous les soldats sont confinés dans les casernes dans l'attente d'un ordre. Embarqués, on envahit Cuba. Et on vient d'entrer dans une troisième guerre mondiale. D'ailleurs, Charles Rousseau était en uniforme à cette époque. Et il attendait l'ordre de partir. Le président cherche et réfléchit à la solution parce que dans 2 heures, le premier transporteur soviétique va arriver à la ligne de démarcation de la flotte américaine. Il doit s'arranger pour que Khrushchev puisse abandonner son projet sans perdre la face. Parce qu'il sait que l'orgueil de l'homme fait qu'il peut facilement entrer en guerre sans même le vouloir. Le plus grand des meneurs d'hommes de l'Allemagne après le Premier Reich, après la Première Guerre mondiale, le Deuxième Reich, pardon, après la Première Guerre mondiale, a une seule chose à dire après avoir perdu. Et c'était ce qu'il y a de plus dramatique, c'est qu'on ne sait même pas comment a commencé la guerre. Et John Kennedy le sait. Alors je vous demande de réfléchir. La flotte s'en vient, elle est à 2 heures des forces d'intervention. Et vous ne voulez pas qu'elles traversent, mais vous ne voulez pas non plus les empêcher de passer. On sait pas. Alors, John Kennedy décide de reculer sa ligne à 500 milles des côtes cubaines. Ce qui laisse un peu plus de temps à Khrushchev pour changer d'idée. C'est simple. Les solutions sont toujours simples. Et John Kennedy rajoute, on ne pourra pas aller en-delà des 500 milles. Et tout le monde parle, moi, les Russes vont penser que, non, John Kennedy Smith dit simplement que c'est parce que les élites soviétiques qui vont partir de Cuba vont pouvoir nous rester vers l'arrière. Si on se rapproche trop des terres cubaines, on va se faire tirer dessus par Cuba. C'est logique. C'est plein de choses simples, logiques. L'être humain doit s'organiser pour fonctionner. L'être humain doit accepter régulièrement de créer une logistique dans sa vie. Parce que toutes les situations d'envergure ou limitée se solutionnent toujours facilement. Khrouchtchev continue son avance et s'approche des lignes de, de la ligne de 500 000. Et Kennedy se rend compte que maintenant Khrouchtchev a eu tout le temps de changer d'idée sans faire de la face. Apparemment, il ne peut pas. L'ultimatum est lancé, il y aura une troisième guerre, nous envahissons Cuba si, dans un certain nombre d'heures, les missiles n'ont pas été démantelés et retirés. Les Russes ne veulent rien savoir. Ils continuent à avancer. Et finalement, les avions canadiens ne décolleront jamais parce que John Kennedy aura eu raison. Il n'y aura pas eu de troisième guerre mondiale. La Terre est passée à quelques minutes d'une troisième guerre mondiale en 1962. La majorité de l'homme d'aujourd'hui a oublié ce temps ou n'a même jamais été au courant de ce mécanisme. Pourquoi j'ai dit cela et pourquoi j'ai commencé en donnant plusieurs phénomènes, en expliquant enfin en énumérant différents phénomènes qui apparemment ne sont pas compris et contre lesquels souvent l'homme lutte. L'homme doit accepter d'expandre sa conscience et de jouer à un jeu où il doit jouer comme s'il était un président pour essayer finalement d'englober le plan, c'est-à-dire les premières prémices du mensonge cosmique sur la planète Terre. Et à travers cela, il doit découvrir le deuxième plan, celui que cache le premier plan. Et le deuxième plan a beaucoup plus d'importance que le premier. Et c'est avec le deuxième, ou à partir du deuxième, qu'il va commencer à jouer sa vie. Et il découvrira aussi qu'à travers le deuxième plan, plusieurs autres plans peuvent sous-exister. La religion catholique est un plan. Mais dans la religion, il y a d'autres plans. Le pardon, c'est un plan. Cela permet à l'individu de ne pas supporter son karma inutilement parce qu'il s'autorisera à croire que Dieu se lui a ôté. C'est un plan. À l'intérieur de ce plan, il y a un autre plan. Le prêtre, donc l'Église, sait et connaît tous les faits et gestes de chacune des personnes de la population de la paroisse. Et l'Église peut dominer matériellement en plus de spirituellement. Il y a des plans dans les plans. Elle dit que de temps en temps, un plan est parfait, écologique. Et dans ce plan, il y a d'autres plans, aussi parfaits et aussi écologiques. On appelle cela des sociétés secrètes. Et cela fait partie de l'ésotérisme des nations. J'ai dit un jour, tout le monde croyait ce plan impossible. Et j'ai dit pareil, que lorsque les grandes nations s'asseoiront à la même table pour parler de paix, il restera quelques années avant la guerre. 1987, les grandes nations, ainsi que celles qui sont manipulées de façon à ne pas bloquer ses flottes à temps, est d'accord pour désarmer et s'asseoir à une table. Et on voit un progrès encourageant dans les négociations URSS-USA. Il est temps pour l'homme d'observer. Il y a un plan de paix, parce que dans les plans de paix, à travers des guerres froides, il y a toujours un plan de guerre. Toujours. L'URSS n'entrera pas en guerre froidement contre les États-Unis. Parce qu'elle est englobée dans un autre plan, un djihad, une guerre sainte. Étant donné que l'URSS veut convertir, parce que l'URSS est une religion, Étant donné que l'URSS veut convertir les autres populations au communisme, elle se voit limitée, comme le sont les États-Unis d'Amérique, par une certaine forme de diplomatie. Et l'Union soviétique entre en guerre d'une façon illégale. Illégale en rapport avec les lois de l'ONU. C'est l'entrée en guerre d'une façon illégale, les peuples qui ne sont pas communistes encore risquent de s'allier au peuple américain, au capitalisme. Donc, l'URSS n'est pas un danger réel. Tant que les USA n'iront pas trop tripoter leur égo, tant que le dieu américain ne frustrera pas trop le dieu soviétique, les hommes sur la terre n'entreront pas en guerre. Mais à travers ce plan, il y a un dieu hautement hérité qui engendre en Europe le terrorisme international et avec différents autres personnages veut conquérir le monde. À travers ces plans, il y a différents autres plans. Le corps de l'homme nouveau sera de plus en plus vibrant et deviendra lentement densifié. Cela engendrera une certaine forme de rayonnement qui peut être appelé radioactivité humaine. Une guerre nucléaire accélérerait l'évolution mutatoire des personnages suffisamment nouveaux. Une guerre nucléaire purifierait un peu plus l'atmosphère et détruirait encore un peu de cette couche d'ozone, ce qui permettrait à plus de conscience supplémentaire de venir chez l'homme. Mais, karmiquement, ceux par qui viennent ces choses devront supporter un poids énorme de souffrance. Alors, il n'en tient qu'à certains individus de se couper de ces forces d'intervention évolutive qui manipulent les divinités manipulant les consciences collectives. Et pour cela, l'homme doit apprendre à voir les plans dans les plans. Pour cela, l'être humain doit apprendre à jouer à certains jeux. Il doit apprendre à raisonner, il doit mentaliser sa vie. Il doit faire de la politique. Chaque être humain qui commence à faire de la politique s'initie au jeu du plan dans les plans. Toujours. Le politicien dit ceci parce qu'il veut autre chose. Parce qu'on aura ça, on pourra aller se lancer là, d'un plan dans un plan. L'homme, qui veut réellement être libre, dans une phase transitive, une crise d'adolescence de l'humanité, se doit d'être un politicien. Un technicien de la politique. Vous devez comprendre ce qui manipule les politiques provinciales et fédérales, ainsi qu'internationales. L'homme doit s'intéresser hautement à la politique, parce que dans les temps qui vont venir, ce sera la seule et unique clé pour pouvoir traverser de façon convenable des temps problématiques. Il sera aussi une clé pour pouvoir reconstruire par la suite dans un cadre qui nous va. Le médecin qui aimerait un jour qu'une forme de médecine intéressante soit appliquée ne peut y arriver que par le biais de la politique. Si rien ne change et si l'homme bouge suffisamment pour que la guerre puisse être évitée, le monde de la politique reste une clé. Tout s'effondre pour reconstruire le monde de la politique reste une unique clé. Et il faut être connu avant, pendant, pour être reconnu après. Alors cela ne veut pas dire que chacun doit rentrer dans un parti politique, mais cela veut dire que chacun doit au moins assister à des réunions politiques, s'informer sur les lois politiques, pour arriver à développer une conscience qui nous permettra de jouer avec les plans. Comprendre la politique provinciale et fédérale, c'est comprendre les manipulations astrales de l'État. C'est une petite école qui nous permet de comprendre la grande école. C'est la même maudite chose, dans les plans de Dieu comme dans les les plein de l'art. Une autorité peut être spirituelle, une autorité peut être temporelle. C'est le même jeu. Identique. La politique de l'État est l'exacte réplique des politiques astrales. Et des étapes. Des forces qu'on donne pour faire fermer la gueule à quelqu'un. Pareil. Les pactes avec Dieu, les pactes avec le diable, c'est comme les pactes avec les politiciens. Ce que tu veux faire, m'en fous. Il m'a voté pour toi, puis il m'a invité des électeurs, il me promet une subvention pour ma compagnie. La compréhension des mécanicités politiques, c'est la compréhension de la gestion humaine. Présentement, l'être humain étant dans des sociétés, vit selon un cadre de gérance. Il y a effectivement un bureau de gestion humaine. On gère les déplacements de l'homme. On gère l'évolution de l'homme. Elle est gérée par la politique. Le peuple ignorant vote. Le gros problème du système politique diplomatique ou démocratique, c'est que l'ignorant gagne. La masse étant acceptée de ne rien savoir et de rien comprendre, vote les solutions. Alors, il y a des plans dans les plans. Le premier plan, expliquer aux gens des choses qui peuvent leur faire peur, de façon à ce que les gens votent. Les vrais problèmes, les gens ne le sauront jamais, et on les cache. Il faut des raisons. Certains gouvernements, comme certains gouvernements actuels, ne sont et n'ont été mis en place que pour voler le peuple. Et l'individu dans la société se plaint, débraille, n'a pas l'argent, n'a pas ceci, n'a pas le plein emploi, n'a pas les services qu'il voudrait, n'a pas la possibilité d'exprimer l'intelligence comme il voudrait, n'a pas ceci, n'a pas cela. On ne braille pas. On ferme sa gueule ou on change les choses. L'homme se croit toujours petit. Allié ensemble, il devient grand. Et allié individuellement, dans un ensemble consciemment collectif, il devient très grand. Comprendre que la politique est ce qui gère l'évolution de l'homme. Et même quand de l'être un individu décide de ne plus pas embarquer là-dedans, si vous ne voulez pas embarquer là-dedans, allez-vous dans la forêt, tout nu, et vivez. Parce qu'à l'instant où vous avez besoin d'une seule petite partie de matière de la société, vous êtes dedans. Vous n'y échappez pas. Comprendre les mécanismes financiers est la deuxième clé. Comprendre de quelle façon il y a la possibilité dans ce monde de faire de l'argent avec l'argent des autres. Comprendre de quelle façon on peut faire de l'argent même si on n'a pas d'argent. Les lois offrent des possibilités. Les gouvernements offrent des possibilités. Et les lacunes des lois et des gouvernements offrent des possibilités. C'est la deuxième clé. Il y a des individus qui, dans le PMC, à un moment donné, ont commencé à suivre des cours pour apprendre comment fonctionnait la bourse. Il y a même des personnes qui étaient sur l'assistance sociale et qui ont suivi ces cours. L'individu pense toujours qu'il faut de l'argent pour faire de l'argent. Ça ne nuit pas. Mais tous ceux qui font faillite, souvent, la grande majorité de ceux qui font faillite, avaient de l'argent pour faire de l'argent. Et l'argent entraîne souvent la sécurité qui fait que tu deviens professionnel, qui fait que tu gères mal tes choses, qui fait que tu t'énerves. Celui qui n'a pas d'argent et qui finalement celui-là. Tu dois maintenant traverser les cadres politiques pour arriver à te faire connaître que toi, désiré, ce sont les contacts. Contacts avec d'autres. L'homme doit s'arranger de temps en temps parce que s'il comprend le jeu de la politique, tout est politique. Pas juste la politique qu'on vote. Tout est politique. La diplomatie. Jouer avec des mécanismes, jouer avec des clés pour continuellement conserver et augmenter son potentiel d'amélioration, de libération, d'autonomie. La première façon d'augmenter son potentiel d'autonomie est d'avoir un corps physique hautement en forme, hautement en santé, tout à fait sous le contrôle de notre plan mental, avec la perception vitale qui le gère, de façon à pouvoir l'auto-guérir, de façon à pouvoir s'en servir convenablement, de façon à être télépathe s'il le faut, de façon à pouvoir ramasser l'énergie lorsqu'il n'y en a pas, de façon à pouvoir supporter un contact avec l'intelligence, de façon à être capable de vivre même lorsque les autres meurent. C'est ce que, dans le plan du plan, le programme des contrôleurs doit amener à certains individus. La possibilité d'être surhomme, surfemme, la possibilité d'être capable de vivre là où les autres meurent. Parce que seuls ces véhicules biologiques pourront, dans le sang, rester de façon à enclencher une mécanicité de reconstruction supramentale et d'éducation par rapport à autrui. Quel que soit le niveau d'où part la personne qui fait le programme de contrôleur, ce n'est pas son degré de départ qui est important, son degré de finalité. Mais si on vous voit, ça ne change rien. C'est la finalité. Pour cela, celui-là ou celle-là doit familiariser ces choses. Parce que le premier véhicule est le corps physique. Par la suite, grâce au corps, on développe la voix. La parole ajustée, la voix mentale et la possibilité d'exprimer le verbe qui permet à un individu de commencer à rayonner même si sa structure atomique corporelle n'est pas encore suffisamment dense. Et là, on engendre la mécanicité politique. L'homme ne peut contrôler parfaitement que ce qu'il connaît parfaitement. Lorsqu'il a un contact avec un agiteur de pensée consciemment, il sait. Et lorsqu'il sait, il contrôle parfaitement. Étant donné que l'être humain n'a pas de libre arbitre et que le libre arbitre n'existe que dans la collectivité, mais n'existe pas dans l'individualité, nécessairement cela oblige l'homme nouveau à enclencher l'égalité politique. Il doit connaître et comprendre les mécanicités légales de la planète qui sont régies par les mécanicités légales du monde de la mort, le monde astral, de façon à pouvoir se donner une marge de manœuvre à travers ce qui doit nécessairement arriver. L'homme qui n'a pas de marge de manœuvre dans les événements qui doivent arriver fait partie des événements. Celui qui a une marge de manœuvre peut traverser sans participer à ces événements. Et la marge de manœuvre du débarqué nécessite premièrement l'accumulation densifiée d'énergie, comme j'ai déjà expliqué pourquoi nous faisions les PMC+. Et pour qu'une densification devienne de plus en plus probante et puissante, il faut que les individus acceptent de signer dans la matière une accréditation collective. Une carte de membre, c'est ça. Un drapeau, c'est ça. Un nom similaire, c'est ça. Alors là, on est un individu qui commence à créer une marque peut obliger le temps et l'espace à couper, mais une masse d'individus. Et qu'est-ce que là, la politique? La politique, c'est la gestion des ressources humaines d'un contexte évolutif. La politique, c'est la gestion des ressources humaines d'une planète. Une monarchie supramentale, c'est la gestion intelligente. Que la manière de comprendre la mécanique politique qui gère une société, va Lorsque le mari va comprendre cela, il peut maintenant commencer à avoir une marge de manœuvre dans cette politique. Une politique municipale, une politique provinciale, une politique fédérale. La personne qui comprend l'impôt, le cas d'argent, et le maintien de marge de manœuvre, c'est le comprendre. L'avocat peut contourner les lois. Il comprend et sait qu'il a donc une marge de manœuvre que les citoyens ordinaires n'ont pas. La première loi du Code civil et du Code criminel, ce n'est pas une raison que d'ignorer la loi. Alors on passe une nouvelle loi que vous ne connaissez pas. Vous l'effrayez, vous êtes coupable. Et vous ne pouvez pas dire que vous ne le saviez pas, parce que le premier article, ce n'est pas une raison que d'ignorer le Code. La personne qui connaît la mécanicité politique a maintenant une marge de manœuvre. La personne qui connaît le phénomène politique planétaire a une marge de manœuvre encore plus grande. Mais la personne qui devient, par le biais d'une densification humaine, un potentiel politique, crée la marge de manœuvre. Qu'est-ce qu'un potentiel politique? Une personne sort dans la rue d'une pancarte et elle se promène. C'est un con. 100 personnes sortent. C'est une situation niaiseuse. 10 000 personnes sortent. On change tout. C'est un pouvoir politique. 10 000 personnes peuvent changer. Si j'ai dit 10 000, 1 000 personnes peuvent, lorsqu'elles sont bien orchestrées, changer complètement de gestion politique. Et le pire, c'est que ces 1000 personnes, même si elles changent, n'ont jamais été élues par le peuple. Donc, si elles sont bien orchestrées, si elles savent où elles vont, et si elles ont suffisamment de liaisons télépathiques ou au niveau de la parole, si elles sont régies par le même point de vue intelligent, même 6 millions d'humains ne savent pas et ne comprennent pas, 1000 bien placés, bien orchestrés, oublie le changement au niveau de la structure des élus politiques, et ceux-ci, à cause des médias, vont accepter le changement. Et sans avoir à être élus, ces individus viennent de changer le cours d'une légende humaine sans évolution. Si cela se fait, c'est que cela se doit d'être. Si j'en parle, c'est que cela se doit d'être. Je mets des points dans la salle, je prépare les terrains où les contraires se heurtent, et je parle aussi à des humains. Parce que l'homme contrôle une chose qui est nécessaire par tous les hommes, il contrôle tous les hommes. Qu'est-ce que l'homme a nécessairement de besoin? Ce n'est pas important d'aller chercher. Laissons ça aux autres politiciens, aux tyrans, et à ceux qui veulent changer le monde, malgré le monde. Le nouveau comprend la mécanicité qui lui permettrait de pouvoir dominer le monde. Mais le nouveau voit aussi l'inécologie de dominer le monde. C'est stupide de dominer le monde. Parce que les hommes doivent vivre des expériences similaires qui engendrent dans le monde de la mort des visions pluralitaires qui vont de toute façon parfaire le processus de réincarnation et éliminer les contraintes. Par contre, l'homme nouveau sait qu'un jour, il reviendra à lui de préparer le cadre de la renaissance. Et même si les temps sont de 10, 20, 30, 40, 50 ans, un jour, le début doit être arrêté. Un jour, quelqu'un doit commencer. Lorsque l'homme nouveau, lorsque les personnes hautement transitées savent qu'elles ont besoin, elles doivent nécessairement s'allier pour commencer à créer une pression politique de façon à pouvoir commencer à avoir ce qu'on besoin. Lorsque la femme se sentit suffisamment prête pour briser les glaces, elle a créé une puissance politique. Lorsque la personne transitive devient écœurée de respirer ceci, de devoir manger cela, de devoir être poussée comme ça, de devoir vivre de telle ou telle façon, être limitée de telle ou telle manière, il est temps que l'individu voit l'intelligence de se collectiver et non pas de se collectiviser. Et de travailler en un commun effort, dans un commun accord vers un but, individuellement à force. Attendre d'être 1000, 2000, 3000, 4000, c'est attendre longtemps. Parce que lorsque 100 personnes ont décidé, les 1000 autres viennent rapidement. Et lorsque les 100 ne décident rien parce qu'ils attendent de se faire décider par les 1000 autres, ça peut être très long. On ne pousse rien. Quand une chose se fait, elle se fait. Les choses avancent dans le temps. Mais donc le temps de dire les choses. Il sera donc le temps de révéler les choses. L'homme doit apprendre à fermer sa grande gueule. Il n'y a pas d'humain qui n'aimerait pas savoir tout ce qui se passe et qui collerait cela par sa psychologie, défend tout ce qui se passe. À un moment donné, un président des États-Unis, dans un conflit hautement dangereux et militaire, pré-militaire, annonce les choses et cela est top secret. Le lendemain matin, tout ce qu'il avait décidé était écrit dans les journaux. Et la phrase célèbre qui le dit, à quoi ça sert de prendre des décisions quand on peut les lire le lendemain dans le journal? Fermer sa grande gueule quand ce n'est pas le temps de parler. Le Parlement des États-Unis d'Amérique, l'un des plus gros au monde, arrive à conserver au maximum 5 jours une information top secrète. Je ne parle pas des services secrets, je parle du Parlement. Là où les hommes tiennent, maximum 5 jours. Le Canada s'y tient à ça, même les services secrets. Mais maintenant, on sait que l'avion d'Air India qui a explosé, le Canada le savait avant que c'était pour exploser, parce qu'on le laisse faire. On a du mot de bon service secret. Ils savent les choses. J'ai des grandes gueules là-dedans aussi. Parce que même ceux qui s'en font pas partie du service secret peuvent lire ça des jours aussi. Ce sont des plans à travers les plans. Pourquoi pensez-vous que le GRC, par exemple, ou certains services secrets canadiens, n'ont pas été capables d'empêcher le peuple de savoir que les services secrets avaient détecté et avaient enregistré la possibilité de l'attentat meurtrier dans l'avion d'Air India? Et là, le monde se dit, ils ont fait ça des salauds. Et oui, traitez les salauds. Pendant ce temps-là, s'ils ne veulent pas que vous sachiez, vous ne le saurez pas, vous êtes occupé à chialer sur autre chose. C'est ça les plans dans les plans. C'est comme lorsqu'à un moment donné, dans les écoles ici, on voulait que le monde apprenne le français par bien le français. Il y a un gars qui est très libre, le joual de droit. C'est ça, mes amis. Apprenez le français. Pendant ce temps-là, on va prendre vos jobs. Occupez-vous. Ne regardez pas rien. Le plan dans les plans. On parle de paix, c'est un plan. Génial. Le plan dans le plan. Historiquement parlant, c'est la guerre. Il y a un trop bon pour les histoires en paix. Donc, l'apprentissage essentiel de la compréhension de l'intelligence, de politiser la démarche politique, se doit d'être compris. Parce que bon, le programme Maître Contrôleur permet de préparer les biologies, les corps physiques, les corps vitaux, les âmes, les corps mentaux, à un contact avec l'intelligence. L'être humain doit s'élidariser. y a énormément de temps, plusieurs personnes me disent toujours, oui, mais si les personnes qui font le programme être contrôleur s'arrangeaient pour pousser au niveau PMC, publiciser, on pourrait peut-être baisser ou donner une prime. Et moi, je réponds toujours non, parce que les gens qui font le PMC, la grande majorité, ne comprendraient pas cela. Ils diraient, tiens, c'est comme les autres business, c'est enfin un peu mort. Bingo. Sauf qu'il est bien évident que plus il y a de gens, plus les prix sont accessibles. Il y a des personnes qui font le PMC qui étaient là dès le début et qui paient moins cher que ceux qui sont là depuis 2 ans. Il y a des personnes qui sont là depuis 2 ans qui paient moins cher que ceux qui sont là depuis 1 an. Étant donné qu'à l'époque, les structures n'étaient pas solides, ceux-là avaient quand même accepté de financer et de subventionner le centre. Ce n'est pas ce qu'ils faisaient. Ils achetaient un cours pour eux. Cela a permis à ceux qui sont là depuis 2 ans de pouvoir venir. Et ceux qui sont là depuis 1 an sont là parce que les autres sont passés et ont supporté. Mais il est bien évident que plus il y aurait de gens, plus ils seraient. Et je tiens à le dire parce qu'à un moment donné, il faudra que certaines personnes parmi vous arrivent à savoir, soit parce qu'on les intrigue ou les découvre, quelles sont les raisons ésotériques d'une compagnie comme la nôtre. Quel est le plan dans le plan? Un plan intelligent, un plan écologique, et un plan qui s'accomplira seulement s'il a à s'accomplir. Parce que moi, je ne pousserai jamais dedans. Mais lorsque de plus en plus d'individus veulent pousser, c'est que les choses sont correctes. Lorsqu'un leader va traîner, non, les choses ne sont pas correctes. Et l'erreur des humanités antérieures, pour que ça a toujours été comme ça. Un leader ou 2 ou 3 leaders traînaient la masse et régi par de l'intelligence, permis. Il y aura encore des choses comme ça sur la planète, mais ça ne proviendra pas du centre de l'universalité. En attendant, ça n'empêche pas que les personnes qui sont ici depuis quelques années, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs qui ont voulu être actionnaires, ont pu prendre conscience que chaque fois que de l'argent coulait dans les coffres du centre, le centre grossissait, créait de l'emploi, améliorait ses choses, faisait de la recherche, et il y a plusieurs choses que vous ne savez pas encore, pour la même raison que ce n'est pas suffisamment pour vous pour qu'on en parle, et surtout qu'il y a suffisamment d'espionnage industriel pour qu'on apprenne à fermer notre grandeur. Se donner un outil. Les actionnaires ont mis de l'argent. Ils paient leur PMC, ils paient leurs entrées aux conférences, ils paient leur café, parce que c'est logique. Ils n'ont pas acheté une carte de membre, ils ont décidé de supporter matériellement et énergétiquement une compagnie. Tous ne peuvent pas être actionnaires. Mais tous doivent comprendre l'intelligence de nos démarches, se donner des outils, se donner des endroits où on peut travailler, se donner un luxe et un confort qui nous permettent de mieux travailler. Pour cela, évidemment, il faut de l'argent. Prendre de l'argent toujours dans les mêmes poches n'est pas écologiquement rentable. Il y a des choses à faire. Je le dis, j'ai eu une résistance énorme depuis plusieurs années à parler de ce que je viens de dire. Énorme. Parce qu'il y a énormément d'individus qui comprennent toujours plus croche. L'astral peut facilement charrier les individus et leur donner l'illusion d'un paquet de choses débiles. Lorsque les grands présidents américains ou canadiens ou français ou anglais ont réussi à être mis au pouvoir, ils parlaient comme je parle. Et certains tyrans parlaient aussi comme je parle. Et c'est à l'homme de savoir de quel côté est la parole. Le côté, disons, blanc ou le côté, disons, noir. Une chose certaine, c'est que l'individu qui transite devient trop individualiste. L'homme doit être individuel et pas individualiste. c'est stupide d'être individualiste. Vos légumes, vous les achetez dans des endroits collectifs. Les humains qui vous les fournissent sont collectivement ceux qui les fournissent. Le vêtement aussi, l'automobile aussi. Voir l'intelligence collectiviste chez les autres et en bénéficiant du moyen individualiste, grosse illusion. Très grosse illusion. Le centre ici a été construit par près de 60 personnes qui ont pu donner tout de même. Parce que sinon, on ne serait sans doute pas là aujourd'hui. Et le centre paie toujours ses dettes en fonction de sa capacité de payer. La première chose, le centre est une compagnie en affaires et est en affaires pour y rester. Deuxièmement, le centre travaille pour l'homme, donc nécessairement, ce deuxième point doit avoir autant d'importance que le premier. Vous devez comprendre l'intelligence de l'association énergétique. L'association énergétique garde les individus individuels, mais crée une puissance individuelle augmentée par le regroupement de cette association énergétique. Pour être plus convenablement assis dans la parole, chaque individu devrait un jour accepter d'entrer dans une alliance, être l'allié. Seriez-vous capable d'être l'un pour l'autre un allié? Et à un moment donné, d'entrer dans une alliance en inscrivant dans la matière un pacte d'alliance. Moi, je suis autonome et individuel et je ne veux rien savoir des autres. Je suis dans une alliance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un jour j'ai un petit problème relié à mon évolution, d'autres personnes qui n'ont rien à rechercher là-dedans, mais qui ont une alliance avec moi, devront me supporter. C'est ça, une alliance énergétique. Cela veut dire aussi que lorsque les individus auront besoin d'une certaine chose, c'est l'alliance complète de ces énergies qui devra être mobilisée pour aller le chercher. Si l'Angleterre entre en guerre, le Canada est son allié. Les États-Unis d'Amérique sont l'allié. La France est un allié. Le Chili est un allié. Le Mexique est un allié. Certains alliés sont petits, en force militaire, mais en force politique, étant donné le nombre d'habitants, ça change quelque chose. Il faudra un jour que dans la tête des personnes qui transitent vers la conscience supramentale, que la compréhension de l'alliance ou de la complicité entre ceux qui cheminent devienne claire. Clair. Parce que sinon, les humains qui cheminent vers le même point sont toujours en train de s'arracher mutuellement les vêtements de façon à grimper un peu plus vite que l'autre. Au nom de l'individualité de la conscience, mais vivant en réalité dans l'illusion de l'individualisme de l'action. Il n'est pas question de sexe. Il n'est pas question de rien de cela. Il est question de système politique. Il est question de société secrète, il est question de similarité, il est question d'alliance, d'art l'énergie. Cela doit être inclus dans la matière pour plaire à l'ego et pour obliger l'ego à ne pas s'en désister. Les savants ont une alliance. Ils ont une réunion une fois par année, mais ils n'y sont pas tous. Et qu'un gouvernement n'ose jamais enlever les savants aux yeux des autres. Parce que même les savants de leur propre pays cessent de travailler. C'est une alliance. Cela crée une force politique qui stabilise les choses. Et est un moyen dans cette société d'arriver à créer une force politique qui pourra aussi stabiliser les choses. Beaucoup de choses sont encore espérées pour occulter. Parce que si on les met d'avant immédiatement, plusieurs humains vont suivre parce que la carotte aura été présentée. L'homme doit pousser. Lorsqu'il pousse, les choses viennent. Lorsqu'il attend, les choses attendent. Une alliance énergétique, c'est la compréhension consciente de l'intelligence d'un effort commun pour aller chercher quelque chose d'utile à l'individu et à la collectivité. Et là où les intérêts de l'individu sont opposés aux intérêts d'une collectivité, dans un cadre écologique, les intérêts de la collectivité devraient toujours prédominer. Sauf si l'individu a plus d'importance énergétique que la collectivité. Je pourrais expliquer. Je préfère vous laisser mijoter. Une alliance, c'est quelque chose qui apparaît lentement parce que le besoin s'en fait sentir entre les alliés. L'alliance, c'est une force dynamique qui, même si elle n'est pas structurée, donne déjà des résultats. L'alliance, ce n'est pas l'attachement de l'individu. Parce que l'alliance peut n'importe quand être cessée. D'où l'intelligence de l'alliance. Un allié peut être l'allié de plusieurs pays. Un individu allié à une force politique peut être aussi allié à autre chose. Il n'est pas limité parce qu'il devient allié. Mais les structures politiques, les structures de gestion de l'humain, des ressources humaines ainsi que de vous-même, ne sont altérables que par des alliances entre des individus. Les salaires étaient minables, l'homme s'est allié, les salaires sont devenus convenables. Les services médicaux étaient abominables, l'homme s'est allié. On était allé filer sur le monde dans la rue, on s'est allié et le bien-être social a été créé. Aujourd'hui, ça veut changer. C'est pour cela que c'est apparu. L'alliance. Alors, j'aurais le temps sur vos êtres. Et c'est à l'homme de décider les choses. Tous ceux qui n'auront pas compris ou qui auront des commentaires que j'ai dit, écrivez-les. De façon à ce qu'on clarifie les choses. Il y a des événements qui se précipitent, des événements qui se rapprochent. Et tant que certaines choses n'ont pas été faites au niveau de certains humains, et certaines choses vont être interdites. On ne peut pas en parler. C'est chiant, c'est cochon, c'est colons, c'est n'importe quoi. Autrement dit, réveillez-vous, à un moment donné, il y a des choses qui pourront être exprimées. Sinon, mais on attend. Moi, je suis déjà désassujetti des manipulations ou des événements qui vont venir. Mais ce n'est pas suffisamment convenable pour permettre une restructuration par la suite. D'autres organisations, d'autres personnages, d'autres alliances vont être créées. Et un jour, l'intelligence arrangera aussi pour que chaque alliance s'allie. Tu ne pars pas du temps. Mais la base matérielle active au Québec proviendra d'une compagnie. Sans ou un autre, présentement, il n'y a que le sens. Les idées et l'énergie pourront provenir juste de l'extérieur. Chaque fonction a son rôle. Chaque organisme ou groupement ou alliance a son rôle. Vous touchez une de ces organisations. Certains sont déjà admis. Ils n'ont pas plus de temps à faire de quoi que ce soit. Astralement, égrégorement parlant, c'est déjà fait. Alors, vous y êtes.